France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Django Reinhardt, troisième épisode, Nuages et Libération. Sans peanuts, sans peanuts. And all that jazz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 20e épisode de cette émission, le 3e de notre série consacrée à Django Reinhardt. La semaine dernière, nous avons laissé le guitariste le 1er octobre 1940 à la tête de la nouvelle mouture du quintet du Hot Club de France avec clarinette et batterie. Aujourd'hui, nous le retrouvons 2 mois plus tard dans une formation presque identique. Seul le poste du bassiste a changé. Tony Rovira a pris la place de Francis Lucas, mais l'on retrouve toujours le frère de Django, Joseph Reinhardt, à la guitare rythmique. Et puis on apprécie dès l'introduction le tempérament fougueux du batteur Pierre Fouad et le goût du clarinettiste Hubert Rostin. Django s'est fendu ici d'un petit arrangement efficace sur un thème qui appartient au répertoire traditionnel russe, les yeux noirs. C'est à l'origine une valse qui est jouée ici à 4 temps sur un tempo idéal. Django y signe un solo de premier ordre en dépit d'une certaine homogénéité des valeurs rythmiques. Il joue presque tout en croche, ce qui pourrait nuire à la diversité et aux effets de surprise. Mais le contenu est tellement inventif que l'on en oublie cette relative monochromie. Il faut dire que le guitariste prise particulièrement ce type d'enchaînement harmonique qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs ceux de sa célèbre composition Minor Swing que nous écoutions la semaine dernière. Les yeux noirs, un traditionnel russe revisité ici par Django Reinhardt avec le quintet du Hot Club de France, Hubert Rostin à la clarinette, Joseph Reinhardt à la guitare rythmique, Tony Rovira à la contrebasse et Pierre Fouad à la batterie. C'était le 13 décembre 1940 à Paris. 4 jours plus tard, nous retrouvons les mêmes protagonistes dans un standard américain, All of Me, et pour l'occasion, le quintet se fait sextette avec un invité de marque, l'excellent saxophoniste Alix Combelle, certes sous influence de Coleman Hawkins, mais avec une certaine idée du vibrato qui s'en distingue assez nettement. On apprécie particulièrement en fin d'interprétation les échanges sur le vif entre les 3 solistes, Django lui-même à la guitare, Combelle au ténor et Rostin à la clarinette. All of Me, le quintet du Hot Club de France avec Alix Combel en invité. C'était le 17 décembre 1940. Quelques semaines plus tard, le 12 mars 1941, le clarinettiste Hubert Rostin laisse la place au pianiste Léo Choliac, le temps d'une séance d'enregistrement en compagnie d'un certain Charles Trenet, qui met ici en musique la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. C'est une petite curiosité qui devait sûrement faire le bonheur de l'ami Cabu, pour qui nous avons une pensée. Cabu, le fou de jazz, qui était depuis toujours un inconditionnel de Charles Trenet. Dansez maintenant, eh bien, dansez maintenant, eh bien, eh bien, eh bien, allez, dansez maintenant. La cigale et la fourmi, la fable de La Fontaine, mise en musique par Charles Trenet, ici en compagnie du quintet du Hot Club de France, dirigé par le guitariste Django Reinhardt, avec pour l'occasion le pianiste Léo Choliac. Léo Choliac qui co-signera quelque temps plus tard avec Charles Trenet la célèbre chanson « La mer » notamment. Nous retrouvons maintenant le quintet du Club de France dans sa formule établie depuis l'automne 1940 avec Hubert Rostin à la clarinette et Pierre Fouad à la batterie dans une composition de Django qui servira d'étendard au quintet pendant la guerre. Django et Hubert Rostin y sont à leur meilleur. Cela s'appelle Swing 42. Thank you. Swing 42, l'un des grands succès du quintet du Club de France avec Django Reinhardt et Hubert Rostin en soliste, c'était en septembre 1941. La formule avec clarinette et batterie inspire Django, le compositeur. Il signe ainsi nombre de thèmes assez souvent évocateurs du Paris de l'époque, de ses quartiers populaires comme Belleville, qu'il enregistrera d'ailleurs à plusieurs reprises. Voici la première version de ce thème, gravée en mars 1942. Belleville, une composition de Django Reinhardt gravée en mars 1942 avec le quintet du Club de France, Hubert Rostin à la clarinette, Django Reinhardt bien sûr à la guitare solo, Eugène Vess à la deuxième guitare, Emmanuel Soudieu à la contrebasse et André Jourdan à la batterie. Quelques jours plus tard, à Bruxelles, en marge d'un enregistrement avec une grande formation dont je reparlerai plus tard, Django enregistre ce qui reste pour nous une curiosité très instructive puisqu'il alterne ici entre le violon et la guitare. On se souvient en effet que Django a joué du violon dans sa prime jeunesse. Évidemment, son style sur cet instrument diffère de celui de Stéphane Grappelli. Le voici dans un blues en mineur, au violon, puis à la guitare. Il est accompagné par le pianiste Ivan Deby. Blues en mineur, Django Reinhardt ici au violon puis à la guitare, accompagné au piano par Yvan Deby, qui était aussi le pianiste de l'orchestre du saxophoniste Fud Kendricks, avec lequel Django Reinhardt enregistre le même jour quelques titres, comme cette version très convaincante d'une nouvelle composition opportunément intitulée « Place de Brouckère », en référence à cette célèbre place de Bruxelles, la capitale belge, où la séance d'enregistrement a lieu le 16 avril 1942. Le tempo vif et la mise en place rythmique assez saisissante du thème mettent bien en valeur le drive et la puissance de Django. Ça s'appelle « Place de Brouckère ». C'est une composition de Django Reinhardt, ici avec le grand orchestre du saxophoniste Fud Kendricks. C'était à Bruxelles en avril 1942. Django mènera plusieurs expériences en grand orchestre pendant la guerre, mais il n'est jamais aussi à son aise que dans le contexte du quintet, parfois porté à la dimension du sextet lorsque le guitariste choisit de doubler le pupitre de clarinette, ce qui éclaire d'une ambiance particulière les compositions de Django. Douce ambiance, c'est précisément le titre de ce thème gravé en février 1943 avec deux clarinettistes, André Louis et Gérard Lévesque. Thank you. Ambiance, un thème de Django Reinhardt mis en valeur ici par les deux clarinettistes André Louis et Gérard Lévesque, que l'on retrouve dans une autre composition du guitariste, Manoir de mes rêves, gravé le même jour, le 17 février 1943. Django y livre l'un de ses plus beaux solos. Manoir de mes rêves, composition de Django Reinhardt, enregistrée par le quintet du Club de France le 17 février 1943, avec deux clarinettistes, André Louis et Gérard Lévesque, le guitariste Gene Weiss, le contrebassiste Jean Storn, le batteur André Léonard, et bien sûr, en soliste, la guitare Django Reinhardt. France Musique. Vous écoutez All That Jazz, nous sommes aujourd'hui au cœur du Paris de l'occupation en 1943. Le guitariste y est un personnage important, célèbre, il vend des disques, il passe à la radio, il se produit dans de nombreux lieux de la capitale, le plus souvent avec son quintet, mais en studio il lui arrive d'enregistrer dans des contextes différents. Ici par exemple, nous le retrouvons seul soliste sur ce blues clair, prétexte à une belle improvisation, sans clichés, sans plan préconçu, qui ne doit qu'au génie inventif de son auteur. Thank you. Blues clair, une belle improvisation sur le blues de Django Reinhardt, accompagnée ici par la rythmique du quintet, Eugène Vess à la guitare, Jean Storn à la contrebasse et Gaston Léonard à la batterie. C'était le 26 février 1943. Je faisais allusion tout à l'heure aux velléités orchestrales de Django Reinhardt. Les occasions furent assez nombreuses d'entourer le guitariste d'un écrin instrumental plus fourni. Elles ne furent pas toujours couronnées de succès. Les arrangements sonnent parfois comme un prétexte, mais ces tentatives restent comme témoignage de l'envie qu'avait Django d'élargir le propos à une autre dimension. Voici cette formation d'une dizaine de musiciens, Django's Music, dans un succès de la chanson populaire américaine devenu un standard du jazz, I Can't Give You Anything But Love. I Can't Give You Anything But Love, enregistré en novembre 1944 à Paris par une formation d'une dizaine de musiciens, parmi lesquels on trouve le trompettiste Christian Belleste, le pianiste Léo Choliac, le clarinettiste Gérard Lévesque ou encore le batteur Jerry Mengo, tous réunis au sein de cette Django's Music dirigée par le guitariste Django Reinhardt, qui est également sollicité l'année suivante, en 1945 donc, par le grand orchestre américain de l'Air Transport Command, autrement dit l'ATC, dirigé par le sergent Jack Platt. Il y a du swing et une certaine puissance de jeu dans cette nouvelle version d'une composition déjà assez ancienne du guitariste Djangology. Thank you. Djangology, Django Reinhardt, accompagné par le big band américain de l'ATC, l'Air Transport Command, à Paris en novembre 1945. Peu de temps après, Django retrouve Londres et par la même occasion, il retrouve son camarade Stephen Grappelli, resté en Angleterre pendant toute la durée du conflit. Les deux solistes reconstituent, avec des musiciens locaux, l'instrumentation originale du quintet du Club de France, avec deux guitares rythmiques et une contrebasse. On sait que leur version de la Marseillaise, retitrée Écho de France, n'eut pas l'air de plaire à tout le monde. Et pourtant, quel beau symbole que cette version de retrouvailles, tout d'abord dans une introduction sur tempo retenu, suivi d'un tempo swing particulièrement roboratif. Écho de France, on aura reconnu la Marseillaise de Rouget de Lisle dans cette version swing gravée à Londres en janvier 1946 par les deux anciens partenaires du premier quintet du Club de France, le violoniste Stéphane Grappelli et le guitariste Django Reinhardt. Ils sont ici en compagnie des guitaristes Jack Lelewin et Alan Hotchkiss et du contrebassiste Coleridge Good. On retrouve les mêmes protagonistes sur une magnifique version de la chanson des frères Gershwin, Unbreakable You, une interprétation en deux temps, tout d'abord avec Stéphane Grappelli, impérial, sur un tempo de ballade, et puis Django Reinhardt, tout feu tout flamme, sur un tempo doublé. Thank you. Embrassable You, le quintet du Hot Club de France, reconstitué à Londres le 31 janvier 1946. Le même jour, Django Reinhardt livre sa vision personnelle d'un thème déjà ancien, enregistré dès 1917 par l'original d'Excellent Jazz Band, Tiger Rag. Il en fait son propre Django's Tiger, prétexte à une joute amicale en fin d'interprétation avec l'ami Stéphane Grappelli, Grappelli dont le jeu a encore gagné en maturité et en invention pendant son séjour londonien. Django's Tiger, Tiger Rag, revu par Django Reinhardt à Londres le 31 janvier 1946 avec Stéphane Grappelli à ses côtés au violon. Le lendemain, toujours en compagnie des mêmes accompagnateurs, c'est à Stéphane Grappelli que revient l'exposition d'une très belle composition signée pendant la guerre par Django Reinhardt, Mélodie au crépuscule. Thank you. Mélodie au crépuscule, une composition de Django Reinhardt, reprise à Londres le 1er février 1946 par le quintet du Club de France reconstitué, avec Stéphane Grappelli au violon, Jack Lelewin et Alan Hunchkiss aux guitares rythmiques et Coleridge Good à la contrebasse. C'est toujours avec cette formation que Django Reinhardt grave une nouvelle version de sa plus célèbre composition, Nuages, que Stéphane Grappelli n'avait pas encore partagée puisqu'elle est née au début de la Seconde Guerre mondiale, après la séparation du premier quintet du Club de France. Le guitariste y livre un solo particulièrement construit et inspiré. La célèbre composition de Django Reinhardt dans une nouvelle version gravée à Londres le 1er février 1946 avec le violoniste Stéphane Grappelli aux côtés du guitariste. Ainsi se referme All That Jazz, 20e épisode, le 3e de cette série consacrée à Django Reinhardt. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission, à Christine Amado pour la réalisation comme chaque semaine, et à la technique aujourd'hui Philippe Bredin. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz.